Il y aura encore un jour, encore une nuit noire, mais ce sera le dernier jour, la dernière nuit noire. Au matin, les rues seront pleines de verbes et de larmes, pleines de muscles, pleines de prières, d'oriflammes. Allons au jardin public, main dans la main, cueillir la marguerite qui nous revient. Et le sang reviendra comme toujours dans nos veines. Le sang reviendra comme toujours dans nos veines. Cela se passera sûrement entre deux comètes, dans l'infiniment grand, ce sera jour de fête. Dans le chat d'une aiguille, les chiens comme les enfants formeront des chenilles sans comprendre vraiment. Allons au jardin public, main dans la main, cueillir la marguerite qui nous revient. Et le sang reviendra comme toujours dans nos veines. Oui, le sang reviendra un torrent dans nos veines. Un drapeau jamais vu, on se roulera dedans. Peut-être pour un jour, peut-être pour un an. Allons au jardin public, main dans la main, cueillir la marguerite qui nous revient.